comme la vague emportée, reviens battre le rocher. Je ne sais pas pourquoi, mais je reviens toujours vers toi. Je me suis désenchantée d'avoir voulu t'oublier. Je m'en veux chaque fois, mais je reviens toujours vers toi. Tout ce que tu peux me reprocher, je le sais. Je ne te demande pas ce que tu as fait. La nuit cache bien le jour, fasse pour mon retour. Encore une autre fois, car je reviens toujours vers toi. Qu'importe si au matin notre voyage prend fin. Je sais qu'au fond de moi je reviendrai toujours vers toi. Tout ce que la vie peut nous donner, prenons-le. En ne pensant qu'à l'instant présent, si tu veux, l'amour apporte l'amour. Tu vois déjà, il fait jour. Je crois que cette fois, je vais rester tout près de toi. Je vais